Le père Goriot, d'Honoré de Balzac. Feuilleton en 10 épisodes. Adaptation et réalisation, Cédric Ossir. 5e épisode. Le dévouement et les sacrifices de sa famille ont renforcé chez Rastignac sa volonté de réussir. Ce qui n'a pas échappé à Vautrin, dont les velléités de se présenter en protecteur perturbent l'étudiant en droit. Un pacte criminel est proposé à Rastignac. Épouser la pauvre Victorine Taillefer et laisser Vautrin faire d'elle l'unique héritière d'une très grosse fortune en commanditant l'assassinat de son frère. Depuis quelques jours, les deux voisins, Eugène et le père Goriot, étaient devenus bons amis. Leur secrète amitié tenait aux raisons psychologiques qui avaient engendré des sentiments contraires entre Vautrin et l'étudiant. Cependant, cette union naissante n'avait encore amené aucune confidence. Le père Goriot ne lui avait parlé de ses filles qu'à propos de ce qu'il s'était permis d'en dire publiquement. Mon cher monsieur, comment avez-vous pu croire que Madame de Restaud vous en ait voulu d'avoir prononcé mon nom? Mes deux filles m'aiment bien. Seulement mes deux gendres se sont mal conduits envers moi. Je n'ai pas voulu faire souffrir ces chères créatures de mes dissensions avec leur mari. Et j'ai préféré les voir en secret. En effet, que suis-je? Un méchant cadavre, dont l'âme est partout où sont mes filles. Quand vous aurez vu Madame de Nucingen, vous me direz celle des deux que vous préférez. Eugène se disposa à partir pour aller se promener aux Tuileries en attendant l'heure de se présenter chez Madame de Beauséant. Cette promenade fut fatale à l'étudiant. Quelques femmes le remarquèrent. En se voyant l'objet d'une attention presque admirative, il ne pensa plus à sa mère, à ses sœurs, ni à sa tante dépouillée, ni à ses vertueuses répugnances. La parole de Vautrin, quelque cynique qu'elle fût, s'était logée dans son cœur comme dans le souvenir d'une vierge se grave le profil ignoble d'une vieille marchande à la toilette qui lui a dit « Or et amour à flot ». Monsieur Eugène de Rastignac. Après avoir indolemment flâné, vers 5 heures, Eugène se présenta chez Madame de Beauséant et il y reçut un de ces coups terribles contre lesquels les cœurs jeunes sont sans armes. Monsieur de Rastignac, il m'est impossible de vous voir en ce moment du moins. Je suis en affaires. Pour un observateur, et Rastignac l'était devenu promptement, cette phrase, le geste, le regard, l'inflexion de voix était l'histoire du caractère et des habitudes de la caste. Il aperçut la main de fer sous le gant de velours, la personnalité, l'égoïsme sous les manières, le bois sous le vernis. Rastignac voulait arriver au bal de la duchesse de Carigliano. Il dévora cette bourrasque. Madame, s'il ne s'agissait pas d'une chose importante, je ne serais pas venu vous importuner. Soyez assez gracieuse pour me permettre de vous voir plus tard. J'attendrai. Bien. Venez dîner avec moi. Rampe. Supporte tout. Que doivent être les autres? Si dans un moment la meilleure des femmes efface les promesses de son amitié, te laisse là comme un vieux soulier. Chacun pour soi, donc. Il est vrai que sa maison n'est pas une boutique et que j'ai tort d'avoir besoin d'elle. Il faut, comme dit Vautrin, se faire boulet de canon. Ainsi, par une sorte de fatalité, les moindres événements de sa vie conspiraient à le pousser dans la carrière où, suivant les observations du terrible sphinx de la maison Vauquer, il devait, comme sur un champ de bataille, tuer pour ne pas être tué, tromper pour ne pas être trompé, où il devait déposer à la barrière sa conscience, son cœur, mettre un masque, se jouer sans pitié des hommes et, comme à Lacédémone, saisir sa fortune sans être vu pour mériter la couronne. Quand il revint chez la vicomtesse, il la trouva pleine de cette bonté gracieuse qu'elle lui avait toujours témoignée. Tous deux allèrent dans une salle à manger où le vicomte attendait sa femme et où resplendissait ce luxe de table qui, sous la restauration, fut poussé, comme chacun le sait, au plus haut degré. L'aplomb qui le distingua plus tard si éminemment et qu'il commençait à prendre l'empêcha de s'ébahir niaisement. Mais en voyant cette argenterie sculptée, et les mille recherches d'une table somptueuse, il était difficile à un homme d'ardente imagination de ne pas préférer cette vie constamment élégante à la vie de privation qu'il voulait embrasser le matin. Sa pensée le rejeta pendant un moment dans sa pension bourgeoise. Il en eut une si profonde horreur qu'il se jura de la quitter au mois de janvier, autant pour se mettre dans une maison propre que pour fuir Vautrin, dont il sentait la large main sur son épaule. Quelques moments après, Eugène fut emporté près de Madame de Beauséant dans un coupé rapide au théâtre à la mode et crut à quelque féerie lorsqu'il entra dans une loge de face et qu'il se vit le but de toutes les lorgnettes, concurremment avec la vicomtesse dont la toilette était délicieuse. Il marchait d'enchantement en enchantement. Ah, tenez, voici Madame de Nucingen. Là, à trois loges de la nôtre. Là, sa sœur et Monsieur de Trailles sont de l'autre côté. Elle est charmante. Mmh. Elle a les cils blancs. Oui, mais quelle jolie taille mince. La grosse main. Les beaux yeux. Elle a le visage en long. Mais la forme longue a de la distinction. C'est heureux pour elle qu'il y en ait là. Ah, voyez comment elle prend et quitte son lorgnon. Le goriot perce dans tous ses mouvements. Si vous continuez à la couvrir de vos regards, vous allez faire scandale, monsieur de Rastignac. Vous ne réussirez à rien si vous vous jetez ainsi à la tête des gens. Ma chère cousine, si vous voulez achever votre ouvrage, je ne vous demande plus que de me rendre un service qui vous donnera peu de peine et me fera grand bien. Me voilà pris. Déjà ? Oui. Et de cette femme ? Oui. Madame la duchesse de Carigliano est attachée à Madame la duchesse de Berry. Vous devez la voir. Ayez la bonté de m'amener au bal qu'elle donne lundi. J'y rencontrerai Madame de Nucingen et je livrerai ma première escarmouche. Volontiers. Ah, voici de Marsay, là, dans la loge de la princesse Galatione. Madame de Nucingen est au supplice. C'est des pites. Il n'y a pas de meilleur moment pour aborder une femme, surtout une femme de banquier. Ces dames de la Chaussée d'Antin aiment toute la vengeance. En ce moment, madame, le marquis d'Ajuda se présenta dans la loge de Madame de Beauséant. J'ai mal fait mes affaires afin de venir vous retrouver. Et je vous en ai instruit pour que ce ne soit pas un sacrifice. Les rayonnements du visage de la vicomtesse apprirent à Eugène à reconnaître les expressions d'un véritable amour et à ne pas les confondre avec les simagrées de la coquetterie parisienne. Quelle noble, quelle sublime créature est une femme qui aime ainsi. Comment peut-on la trahir ? Rastignac se sentit au cœur une rage d'enfant. Il était humilié d'être dans ce grand musée de la beauté, sans son tableau, sans une maîtresse à lui. Avoir une maîtresse et une position quasi royale, c'est le signe de la puissance. Et il regarda Madame de Nucingen comme un homme insulté regarde son adversaire. Le premier acte était fini. Ah, vous connaissez assez Madame de Nucingen, monsieur le marquis, pour lui présenter monsieur de Rastignac ? Mais elle sera charmée de voir monsieur. Le beau portugais se leva, prit le bras de l'étudiant qui, en un clin d'œil, se trouva auprès de Madame de Nucingen. Madame la baronne, j'ai l'honneur de vous présenter le chevalier Eugène de Rastignac, un cousin de la vicomtesse de Beauséant. Vous faites une si vive impression sur lui que j'ai voulu compléter son bonheur en le rapprochant de son idole. Madame, monsieur. Je n'ose pas vous proposer de rester près de moi, monsieur. Quand on a le bonheur d'être auprès de Madame de Beauséant, on y reste. Mais madame, si je veux plaire à ma cousine, je demeurerai près de vous. Avant l'arrivée de monsieur le marquis, nous parlions de vous et de la distinction de toute votre personne. Vraiment, monsieur, vous allez me rester. Nous ferons donc connaissance. Madame de Resto m'avait déjà donné le plus vif désir de vous voir. Elle est donc bien fausse. Elle m'a fait consigner à sa porte. Comment ? Madame, j'aurai la conscience de vous en dire la raison. Je suis le voisin de monsieur votre père. J'ignorais que Madame de Resto fût sa fille. J'ai eu l'imprudence d'en parler fort innocemment et j'ai fâché Madame votre sœur et son mari. Vous ne sauriez croire combien Madame la Duchesse de Langeais et ma cousine ont trouvé cette apostasie filiale de mauvais goût. Je leur ai raconté la scène, elles en ont ri comme des folles. Ce fut alors qu'en faisant un parallèle entre vous et votre sœur, Madame de Beauséant me parla en fort bon terme et me dit combien vous étiez excellente. Pour mon voisin, monsieur Goriot. Il vous adore si passionnément que J'en suis déjà jaloux. Voulant sans doute favoriser une si chaude admiration, Madame de Beauséant m'a amené ici, en me disant, avec sa grâce habituelle, que je vous y verrai. Comment, monsieur ? Je vous dois déjà de la reconnaissance. Encore un peu, nous allons être de vieux amis. Quoique l'amitié doive être près de vous un sentiment peu vulgaire, je ne veux jamais être votre ami. Ces sottises stéréotypées à l'usage des débutants paraissent toujours charmantes aux femmes et ne sont pauvres que lues à froid. Le geste, l'accent, le regard d'un jeune homme leur donnent d'incalculables valeurs. Madame de Nucingen trouva Rastignac charmant. Oui, ma sœur se fait tort par la manière dont elle se conduit avec ce pauvre père, qui a vraiment été pour nous un dieu. Il a fallu que monsieur de Nucingen m'ordonna positivement de ne voir mon père que le matin, pour que je cédasse sur ce point. Mais j'en ai été longtemps bien malheureuse. Ces violences venues après les brutalités du mariage ont été l'une des raisons qui troublèrent le plus mon ménage. Je suis certes la femme de Paris la plus heureuse aux yeux du monde, la plus malheureuse en réalité. Vous allez me trouver folle de vous parler ainsi, mais vous connaissez mon père, et à ce titre, vous ne pouvez pas m'être étranger. Vous n'avez jamais rencontré personne qui soit animé d'un plus vif désir de vous appartenir. En vous voyant, quand je suis entré, je me suis senti porté vers vous comme par un courant. Madame de Beauséant m'a ordonné de ne pas vous tant regarder. Moi aussi, je vous dis des folies. Mais laissez-les-moi dire. Après avoir ainsi commencé, Rastignac défila son chapelet d'une voix coquettement sourde, et Madame de Nucingen encourageait Eugène par des sourires en regardant de temps en temps de Marsay qui ne quittait pas la loge de la princesse Galationne. Madame, j'aurai le plaisir de vous aller voir avant le bal de la duchesse de Carigliano. Mes affaires sont en bon train, car elle ne s'est pas bien effarouchée en m'entendant lui dire « M'aimerez-vous bien ?» Le mort est mis à ma bête. Sautons dessus et gouvernons-la. Eugène salua Madame de Beauséant qui se levait et se retirait avec la Jouda. Le pauvre étudiant ne savait pas que la baronne de Nucingen était distraite et attendait de Marsay une de ces lettres décisives qui déchirent l'âme. Votre cousin va faire sauter la banque. Il est souple comme une anguille. Je crois qu'il ira loin. Vous seul avez pu lui trier sur le volet une femme au moment où il faut la consoler. Mais il faut savoir si elle aime encore celui qui l'abandonne. Tout heureux de son faux succès, l'étudiant revint à pied du théâtre italien à la rue Neuve Sainte-Geneviève en faisant les plus doux projets. Si Madame de Nucingen s'intéresse à moi, je lui apprendrai à gouverner son mari. Ce mari fait des affaires d'or. Il pourra m'aider à ramasser tout d'un coup une fortune. Il ne se disait pas cela crûment, il n'était pas encore assez politique pour chiffrer une situation, l'apprécier et la calculer. Ses idées flottaient à l'horizon sous la forme de légers nuages, et quoiqu'elles n'eussent pas l'âpreté de celles de Vautrin, si elles avaient été soumises au creuset de la conscience, elles n'auraient rien donné de bien pur. En atteignant au seuil de sa pension, Rastignac s'était épris de Madame de Nucingen. Elle lui avait paru svelte, fine comme une hirondelle. Et peut-être la marche, en mettant son sang en mouvement, aidait-elle à cette fascination. Mon voisin, j'ai vu Madame Delphine. Où ? Aux Italiens. Entrez donc. Parlez-moi d'elle. Eugène, qui se trouvait pour la première fois chez le père Goriot, ne fut pas maître d'un mouvement de stupéfaction en voyant le bouge où vivait le père après avoir admiré la toilette de la fille. Le bonhomme gisait sur un mauvais lit, n'avait qu'une maigre couverture et un couvre-pied ouaté fait avec les bons morceaux des vieilles robes de Madame Vauquer. L'aspect de cette chambre donnait froid et serrait le cœur. Elle ressemblait au plus triste logement d'une prison. Heureusement, Goriot ne vit pas l'expression qui se peignit sur la physionomie d'Eugène quand celui-ci posa sa chandelle sur la table de nuit. Eh bien, Qui aimez-vous mieux, de Madame de Resto ou de Madame de Nucingen? Je préfère Madame Delphine, parce qu'elle vous aime mieux. Merci, merci. Que vous a-t-elle donc, dites-moi? L'étudiant répéta les paroles de la baronne en les embellissant, et le vieillard l'écouta comme s'il eût entendu la parole de Dieu. Si j'avais eu de bons gendres, j'aurais été trop heureux. Était-elle bien mise? Oui. Mais, monsieur Goriot, comment, en ayant des filles aussi richement établies que sont les vôtres, pouvez-vous demeurer dans un taudis pareil? Ma foi, quoi cela me servirait-il d'être mieux? Ma vie à moi et dans mes deux filles, si elles s'amusent, si elles sont heureuses, bravement mises, si elles marchent sur des tapis, qu'importe de quel drap je sois vêtu et comment est l'endroit où je me couche, je n'ai de chagrin que les leurs. Quand vous saurez, père, vous saurez que l'on est bien plus heureux du bonheur de ses enfants que du sien propre. Je ne peux pas vous expliquer ça. Ce sont des mouvements intérieurs qui répandent l'aise partout. Voulez-vous que je vous dise une drôle de chose? Eh bien, quand j'ai été père, j'ai compris Dieu. Seulement, j'aime mieux mes filles que Dieu n'aime le monde, parce que le monde n'est pas si beau que Dieu, et que mes filles sont plus belles que moi. Le père Goriot était sublime. Jamais Eugène ne l'avait pu voir illuminé par les feux de sa passion paternelle. Eh bien, quant à moi, ce soir, je suis tombé amoureux de Madame Delphine. Bah ! Je ne lui ai pas déplu. Nous avons parlé amour pendant une heure, et je dois aller la voir après-demain, samedi. Oh, que je vous aimerais, mon cher monsieur, si vous lui plaisiez. Vous êtes bon, vous ne la tourmenteriez point. Ah, si vous la trahissiez, je vous couperais le cou d'abord. Mon Dieu, que vous a-t-elle dit pour moi? Elle m'a dit qu'elle vous envoyait un bon baiser de fille. Adieu, mon bon voisin. Dormez bien, faites de beaux rêves. Que Dieu vous protège dans tous vos désirs. Vous avez été pour moi ce soir comme un bon ange. Vous me rapportez l'air de ma fille. Le pauvre homme. Il y a de quoi toucher des cœurs de marbre. Sa fille n'a pas plus pensé à lui qu'au grand turc. Depuis cette conversation, le père Goriot vit dans son voisin un confident inespéré, un ami. Les passions ne font jamais de faux calculs. Le père Goriot se voyait un peu plus près de sa fille Delphine, il s'en voyait mieux reçu si Eugène devenait cher à la baronne. Le bonhomme se prit donc pour son voisin d'une amitié qui alla croissant et sans laquelle il eût été sans doute impossible de connaître le dénouement de cette histoire. Le lendemain matin, au déjeuner, l'affectation avec laquelle le père Goriot regardait Eugène, près duquel il se plaça, et le changement de sa physionomie, ordinairement semblable à un masque de plâtre, surprirent les pensionnaires. Vautrin, qui revoyait l'étudiant pour la première fois depuis leur conférence, semblait vouloir lire dans son âme. En se souvenant du projet de cet homme, Eugène pensa nécessairement à la dot de Mademoiselle Taillefer et ne put s'empêcher de regarder Victorine comme le plus vertueux jeune homme regarde une riche héritière. Par hasard, leurs yeux se rencontrèrent. La pauvre fille ne manqua pas de le trouver charmant dans sa nouvelle tenue. Une voix criait à Eugène « 800 000 francs !» Mais tout à coup, il se rejeta dans ses souvenirs de la veille et pensa que sa passion de commande pour Madame de Nucingen était l'antidote de ses mauvaises pensées involontaires. L'on donnait hier aux Italiens le barbier de Séville de Rossini. Je n'avais jamais entendu de si délicieuse musique. Est-on heureux d'avoir une loge aux Italiens? Vous êtes comme des coqs en pâte, vous autres hommes. Vous faites tout ce qui vous plaît. Comment êtes-vous revenu? À pied. Moi, je n'aimerais pas de demi-plaisir. Je voudrais aller là dans ma voiture, dans ma loge, et revenir bien commodément. tout ou rien. Voilà ma devise. Et qui est bonne. Monsieur Goriot, j'ai appris que madame de Nucingen ferait tout au monde pour être reçue chez ma cousine, madame la vicomtesse de Beauséant. N'oubliez pas de lui dire que je l'aime trop pour ne pas penser à lui procurer cette satisfaction. Rastignac s'en alla promptement à l'école de droit. Il voulait rester le moins de temps possible dans cette odieuse maison. Il flâna pendant presque toute la journée, en proie à cette fièvre de tête qu'ont connue les jeunes gens affectés de trop vives espérances. Les raisonnements de Vautrin le faisaient réfléchir à la vie sociale au moment où il rencontra son ami Bianchon dans le jardin du Luxembourg. Où es-tu pris, c'est air grave? Je suis tourmenté par de mauvaises idées. Ça se guérit, les idées. Comment? En y succombant. Tu ris sans savoir ce dont il s'agit. Te souviens-tu de ce passage où cet auteur demande à son lecteur ce qu'il ferait au cas où il pourrait s'enrichir en tuant à la Chine par sa seule volonté un vieux mandarin sans bouger de Paris? Oui. Eh bien? Eh bien, j'en suis à mon 33e mandarin. Ne plaisante pas. Allons, s'il t'était prouvé que la chose est possible et qu'il te suffit d'un signe de tête, le ferais-tu? Est-il bien vieux, le mandarin? Pardon, mais vieux paralytique ou bien portant, ma foi... Diantre, eh bien non. Tu es un brave garçon, Bianchon. Les vois-tu des circonstances dans la vie où il faut jouer gros jeu et ne pas user son bonheur à gagner des sous? Notre bonheur, mon cher, tiendra toujours entre la plante de nos pieds et notre occiput. Et qu'il coûte 1 million par an ou 100 louis, la perception intrinsèque en est la même au-dedans de nous. Je conclus à l'avis du chinois. Merci, tu m'as fait du bien, Bianchon. Nous serons toujours amis. Oh, dis donc, en sortant du cours de Cuvier au Jardin des Plantes, je viens d'apercevoir la Michonneau et le Poiret causant sur un banc avec un monsieur que j'ai vu dans les troubles de l'année dernière, aux environs de la Chambre des députés, qui m'a fait l'effet d'être un homme de la police, déguisé en honnête bourgeois vivant de ses rentes. Étudions ce couple-là, je te dirai pourquoi. Quand Eugène revint à la pension, il trouva le père Goriot qui l'attendait. Tenez, voilà une lettre d'elle. Hein? La jolie écriture. Monsieur, mon père m'a dit que vous aimiez la musique italienne. Je serais heureux si vous vouliez me faire le plaisir d'accepter une place dans ma loge. Monsieur de Nucingen se joint à moi pour vous prier de venir dîner avec nous sans cérémonie. Si vous acceptez, vous le rendrez bien content de n'avoir pas à s'acquitter de sa corvée conjugale en m'accompagnant. Ne me répondez pas, venez et agréez mes compliments, Delphine de Nucingen. Montrez-la moi. Cela sent-il bon? Une femme ne se jette pas ainsi à la tête d'un homme. Elle veut se servir de moi pour ramener de Marseille. Il n'y a que le dépit qui fasse faire de ces choses-là. Vous irez, n'est-ce pas? À cette époque, Rastignac ignorait la fureur dont étaient saisies les femmes de la Chaussée d'Antin pour entrer dans le cercle supérieur de la société du Faubourg Saint-Germain, où brillaient les constellations de leur sexe. Mais sa défiance le servit bien. Elle lui donna de la froideur et le triste pouvoir de poser des conditions au lieu d'en recevoir. Oui, j'irai. Le père Goriot, d'Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossire. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Cinquième épisode, avec Michel Vuillermoz, Lionel Lingelser, Marie-Sophie Ferdan, Clément Bresson, Jean-Claude Frissung, Marie Crémer, Grégoire Mont-Saint-Jean, Léo Dussolier, Christine Murillo et Françoise Gaziot. Bruitage, Élodie Fiat. Musique originale, Manuel Peskin. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Victoria Asper. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire.